8. Le portrait deviné. L'ami d'Abel devait enfin être admis et installé le lendemain dans l'atelier. Et pour cette fois, Ondine ne savait plus comment on allait respirer. Élisabeth comptait gravement les chaises et cherchait, en secouant la tête, la place impossible d'un nouveau chevalet. Elle prit le parti de remonter à son travail en disant à Ondine tout bas « Arrangez-vous, mademoiselle, je ne m'en mêle pas. » Ondine, découragée, hasarda ses réflexions à son oncle. Il lui répondit sans se détourner du travail. « Que vous êtes peu artiste, ma pauvre petite. Croyez-vous que je ne pense qu'à faire un salon de mon atelier ?»« Quel salon, mon oncle? Regardez. » Il jeta un coup d'œil rapide sur l'encombrement, qu'il ne l'effraya point, et répondit froidement. « On peut ôter le paravent et la cloison qui séparent l'atelier de votre cabinet de travail. Je ne vois pas qu'il soit bien nécessaire que vous vous isoliez ainsi aux heures laborieuses. Petite paresse dont je ne suis pas dupe. Nous ne vous faisions pas peur, j'espère. Vous autres jeunes filles, vous avez une retenue singulière, mais elle ne m'en impose pas du tout. Car telle qui rougit et se retire avec modestie, loin d'un cercle de jeunes hommes, resterait peut-être avec un tout seul, s'il avait le bonheur de lui plaire. Je vous connais toutes, depuis la première jusqu'à la dernière. » « Ah, mon oncle, répondit avec courage la pauvre grondée, vous pensez donc du mal de Nathalie, votre élève de prédilection ? Celle-là est un ange, dit-il, et vous devriez la prendre pour modèle, si vous aviez le bonheur de lui ressembler. Je vous peindrais en Rachel. Mais, grand Dieu, quelle différence !» Et il parcourait avec des yeux bienveillants et scrutateurs le maintien humble et le regard baissé de sa nièce, dont il voulait sonder le cœur. « Et mademoiselle Dorival ? Mille fois mieux encore, répartit-il d'un air triomphant. Oui, mille fois, afin que vous le sachiez, observez-la. N'est-ce pas Virginie de Bernardin de Saint-Pierre, de ce peintre suave de la vertu, de la résignation et du courage réunis ? Placez cette personne angélique dans un naufrage, vous la verrez disparaître, comme cette douce et gracieuse Virginie, qui se laisse glisser dans l'eau, plutôt que d'alarmer un moment la craintive pudeur. Vous me citez là des êtres adorables. Mais enfin, mon oncle, la petite Raphaël, baptisée ainsi par vous, si correcte, si miraculeuse de grâce, de couleur et si peu fière d'elle-même. Celle-là est un être d'en haut qui s'est trompé de chemin, répondit le peintre, avec un sentiment de respect. Sachez qu'elle est plus belle à l'âme encore qu'au visage, et je présume que vous la trouvez... Oh, parfaite, que je l'aime, répliqua-t-elle avec une tendre réflexion. C'est fort heureux, poursuivit-il, comme si elle l'eût longtemps contrariée. Oui, elle est parfaite, et beaucoup plus que vous. Apprenez-le de moi, ma nièce, car je vous vois venir. Non, mon oncle, je ne pense pas à moi. Vous y pensez, vous allez modestement me chercher des anges pour vous mettre en comparaison avec eux. Ne vous gênez pas, mon enfant, vous ne parlez que d'êtres accomplis. Mais Pauline, mon oncle, que vous appelez la fée aux perles, n'a pas un seul de ces défauts de femme dont vous les accusez toutes. Pauline, mademoiselle, ou la fée aux perles, comme vous voudrez, ira droit au ciel, quand vous pleurerez 100 ans à la porte du purgatoire. Enfin, soupira la pauvre Ondine, toutes ces heureuses personnes, les seules à peu près que nous connaissons, n'ont à vos yeux comme aux miens que des vertus et des charmes. Où sont-elles donc celles qui rassemblent tant d'imperfections ? Cherchez, dit M. Léonard, après avoir hésité un peu pour cette dernière dureté, cherchez, et conseillez-leur de ma part de se corriger un jour, s'il est dans la nature de la femme de tenter un miracle. « Allons, » dit-elle en rangeant tristement ses cartons. « Merci, mon oncle, car je vois qu'il faut tout accepter pour moi, étant la seule que vous n'avez pas nommée. »« C'est cela, » dit-il tout content. « Nous y voilà. Vous avez l'esprit arrangé de manière que les conversations les plus calmes, les plus amicales, prendraient un tour tout amer si l'on voulait s'émouvoir. Mais je ne m'émeux pas ainsi. Diable, je ne suis pas en ce monde pour vos petits caprices et votre bon plaisir. J'y suis pour peindre, si vous voulez bien le permettre. » Émile, qui frappa vivement à la porte, interrompit ses dernières paroles. Frère à peu près d'Ondine et neveu du peintre, dont il venait d'épouser l'autre nièce, Émile courut avec empressement regarder au chevalet si M. Léonard avait fini son portrait, dont il voulait surprendre sa femme. Une idée riante le parcourait tout entier, car ses lèvres prenaient à chaque instant la forme d'une bonne nouvelle. Mais elle n'éclatait pas et le silence continuait. Enfin, il rompit brusquement l'émotion qui l'empêchait de parler, en disant vite et hardiment « Moi aussi, je suis peintre. »« Vous êtes peintre ? » s'écria son oncle, et je ne l'ai pas vu sur votre figure. Cela me paraît un peu fort. Et dans quel genre, s'il vous plaît ? » Émile alors devint rouge comme un menteur, puis il regarda Ondine et se remit à sourire d'un air discret. « Y a-t-il du mal et du mystère à peindre ? » demanda-t-elle. « Ta femme ne m'en a jamais dit un mot. » Alors Émile rit tout à fait en se penchant à l'oreille de son oncle. « Bah vraiment ? » répondit celui-ci avec une grande surprise. « Je vous en fais mon compliment sincère. » Et il lui tendit la main. « Cette pauvre génie, déjà, ma nièce, Émile fait des portraits. Ma sœur est donc... » « Quoi ? » interrompit son oncle, presque effrayé de son intelligence. « Mais très pâle !» s'écria la jeune fille en s'asseyant, tremblante. « Est-elle étonnante ? » repartit-il stupéfait. « Émile, je vous le demande, une demoiselle de 15 ans qui parle ainsi. Ne dirait-on pas qu'elle est aussi mariée que votre femme ?» Ondine devint rouge à son tour. Mais elle poursuivit avec une imperturbable candeur. « J'ai deviné, j'en suis sûr. Je sens cela au battement de mon cœur. » « Voyez, mon oncle, voyez, Émile, » dit-elle en attirant leurs mains sur son cœur qui battait, « j'ai bien entendu ce que vous disiez dernièrement d'une jeune dame cruselle qui pâlissait. » Émile, tressaillant aussi de joie d'avoir été deviné sans rien dire, embrassa 20 fois sa sœur et M. Léonard avec l'ivresse d'un enfant sensible, qui vient de remporter un premier prix. « Je ne m'étonne plus si vous pressiez les séances avec tant d'ardeur, mon cher monsieur, » dit l'oncle en terminant et en éclairant d'un reflet de joie le portrait de l'heureux Émile. « Ce ne sont pas vos seuls travaux d'architecture qui vous rappellent et vous arrachent à nous. Et moi qui n'entendais jamais, quand vous répétiez à tout moment, « Ma femme est bien plus belle. Ma femme est très pâle depuis 3 mois. »« Plus belle, très pâle, c'était clair comme le jour. Aviez-vous compris, vous, mademoiselle ?»« Non, pas alors, mon oncle. Mais tout à l'heure, c'est singulier, j'ai cru qu'on me le sonnait dans l'oreille. »« C'est bien, répliqua M. Léonard, je suis très content de vous. » Vous avez l'ouïe fine et vous entendrez à demi-mot. » L'arrivée bruyante de Rodolphe, de Corbet, d'Edmond, de Jules, d'Anthony et des autres compléta la joie de l'atelier. Émile, que l'on n'avait pas vu depuis longtemps, non plus qu'Abel, fut entouré, caressé. Ils parlèrent tous ensemble, dans l'expressement de savoir et de s'apprendre des nouvelles. Ondine se souvint de ce curieux tapage, mais sa petite chambre était trop voisine de l'école. On n'entendait plus ses propres idées, non qu'elle n'écoutât les éclats de tant de voix qui se mêlaient et qui parlaient 1000 fois plus vite que sa plume ne pouvait courir, mais ce langage de jeune garçon lui paraissait étrange. Elle n'en comprenait pas bon, et elle se réfugia enfin dans la chambre isolée et calme d'Élisabeth qu'elle ne partageait que la nuit. Assise au pied de son lit modeste, qui n'avait d'autre luxe qu'un long rideau de mousseline, sous l'étroite croisée que rafraîchissait un voile formé du vert tendre et des fleurs d'or de capucine, là où avait médité, soupiré peut-être quelques solitaires, Ondine, toujours heureuse d'isolement et de silence, écrivit « Ma sœur, que je suis bien ici. Je pense et je pense à vous, ma sœur. Ne grondez pas. Après la nouvelle que je viens d'apprendre, il n'est pas question d'être triste et de ne songer qu'au passé. » Votre vallon qui se couvre de verdure, les hirondelles qui reviennent loger sous vos fenêtres, que celles-là vous portent bonheur, leurs cris qui vous remercient de n'avoir pas défait leur nid, et cette belle eau fraîche où j'ai vu glisser des cygnes si blancs, tout cela est quelque chose encore dont vous portez à l'indulgence, et puisque vous me dites que mes lettres peuvent ajouter du charme à une telle existence, je vous en écrirai toujours et davantage. Vous les lirez, s'il vous plaît, ma sœur, sous l'arbre de Judée dont j'aimais l'ombre noire, quand j'y causais avec vous. Je vous écrirai souvent, car je sais que ce que vous voulez est en ce moment plus sacré pour nous. Émile vous dira comme j'ai compris vite ce qu'il souhaitait qu'on devinât. Mon oncle m'a un peu reprise d'avoir deviné, mais pourquoi n'aurais-je pas deviné? Pourquoi aurais-je renfermé ce cri de joie qu'il a grondé? Faudra-t-il apprendre à n'être plus sincère? Je le serai toujours, ma sœur, en vous disant que vous m'êtes chère, que je suis contente de penser que vous êtes plus belle, que vous êtes très pâle pourtant. Cette idée que vous êtes pâle me fait pleurer. Ils sont tous là dans la fièvre de la composition. Nos plans sont tracés, nos palettes sont couvertes, et les premiers soleils d'avril nous ont fait nettoyer nos pinceaux. Ils disent que la nature nous appartient dès qu'elle s'éveille tiède et en fleurs. Mon oncle pourtant ne médit pas de l'hiver. C'est la saison, assure-t-il, où l'âme immobile couvre les chefs-d'œuvre. Ma sœur, où peindrais-je le mien? Quand je ferme les yeux, je cherche, et je crois entrevoir. Mais les yeux ouverts, tout s'efface. Je ne sens plus cette puissance qui fait que, dans nos rêves, nous nous mettons quelquefois à voler sans effort, et sans être étonnés. Avez-vous rêvé cela, ma sœur ? Pour moi, l'autre nuit, cette vision m'a bercé et perdu. Je parcourais une immense maison solitaire, dont toutes les portes étaient ouvertes. L'ange de la mort me poursuivait. Il traversait les chambres inhabitées, et j'entendais le frôlement de ses ailes dans l'air, que je traversais moi-même sans toucher au plancher. Je souffrais, je priais, j'étais haletante, et sur le point d'être saisie, la fenêtre m'a offert la seule issue que je cherchais des yeux, et d'un cœur prêt d'éclater dans ma poitrine. J'ai tendu les bras et je me suis abandonnée, flottante à ma grande joie, à ma si grande joie, que je me suis éveillée, et trouvée à genoux sur mon lit, dans une obscurité consolée par la lune, qui semblait me regarder et me dire « N'aie pas peur ». Aussi me suis-je rendormi jusqu'au jour, sans avoir vu Élisabeth que mes soupirs, m'a-t-elle dit, avaient attiré auprès de mon lit, durant ce rêve aux ailes noires. Mon oncle prétend que tout dort en moi, mais qu'il a de l'espérance dans mes songes. Je tâcherai d'en faire d'autres. Le désir de reconnaître ses soins et de le voir content dénouera mes ailes, et le talent dont je crois quelquefois sentir l'oppression. Ma sœur, si je n'ai pas de talent, vous m'aimerez encore, n'est-ce pas ? Émile allait partir quand elle descendit précipitamment. « Sans ma lettre, dit-elle. » « Il allait bien faire autre chose, répondit son oncle, emporter son portrait dont les couleurs sont fraîches et sans vernis, sans cadre, roulé comme un plan d'architecture. « Parbleu, continua-t-il en riant, vous qui faites des portraits, vous ne savez guère encore le soin qu'il faut en prendre. Allez, mon cher Émile, allez retrouver votre femme et vos images. Nous vous enverrons celle-ci quand il en sera temps. » Émile embrassa tout le monde sans voir personne. Et chargé seulement de la lettre d'Ondine, il s'élança vers la vallée de Saint-Rémy, sur la route de Normandie, qui était encore pour lui celle du bonheur. Il n'était marié que depuis un an.